Tout pour les pieds. Cette femme fait de la plongée. Regarde ses pieds. Elle a des palmes. Les palmes aident à nager plus vite. Cet homme fait de l'escalade. Regarde ses pieds. Ses bottes aident à grimper sur la glace. Cet homme fait du ski. Regarde ses pieds. Il a des skis. Ses skis l'aident à glisser sur la glace. Cet homme court. Regarde ses pieds. Ses chaussures l'aident à courir. Cet homme fait du patin. Il a des patins. Il peut aller vite avec ses patins. Des gens portent ses bottes. Les bottes sont utiles pour marcher dans la boue. Regarde ce qu'on peut porter à ses pieds.